Notre classe de PSMS, petite section et moyenne section. Asia, Chrismaël, Elvin, Emma, Gabriel, Inès, Keren, Miguel, Samir, Sunkomba, Yann, Younes, Sophia, Axel, Benjamin, Colin, Elia, Ezio, Kenzie, Noah Maven, Umaima, Solal, Yuen, Isabelle, Monique, Ophélie.